Les montagnes! Quel bonheur, franchement! Non mais regardez-moi cette beauté! Vous voyez par terre, ces petites fleurs jaunes qui poussent entre les rochers? Et tout là-haut, les sommets enneigés? Ah, ma parole! Ah, qu'est-ce qu'on respire bien! Je vous ai bien eu, hein? Parce qu'en vrai, moi, j'aime pas la montagne! En hiver, on se les gèle et en été, purée, faut marcher! Et puis, sous la glace, sous la neige, se cachent parfois de grands, de terribles secrets. L'histoire commence le 19 septembre 1991. Nous sommes dans les Alpes, à la frontière entre l'Italie et l'Autriche, à environ 3200 mètres d'altitude. C'est le début de l'automne, mais il fait encore très chaud. Le soleil brille. Ah oui, ça sent un peu la crotte de Bourta. Non, de chamois. Ah, pardon. De chamois, donc. Mais un peu autotuné, non? Oui. Oh, très bien, très bien. Cette belle fin de matinée, Helmut et Erika Simon, deux Allemands à la cuisse bien musclée, ont décidé d'en profiter. Le couple adore la randonnée. Enfin, surtout Erika, parce que Helmut, lui, est souvent à la traîne. Ça va, mon moutmout? Ça va, ça va. Ouais. Et on ferait pas une petite pause? Tandis qu'il tente, courbé en deux, de reprendre sa respiration, une drôle de forme, un peu allongée et marronnasse, attire son attention. Il s'approche. Oh, mon Dieu, c'est un buste d'homme qui dépasse d'un gros bloc de glace en train de fondre. Oh, le pauvre! S'écrie Helmut. Oh non! Oh, c'est sûrement un alpiniste mort dans un accident! Erika et Helmut tentent de dégager le reste du corps. C'est lourd! Mais pétard, c'est pas facile! Sans attendre, ils préviennent Marcus Pirpamer, le gardien de leur refuge. Intrigué, l'homme va voir. Ah oui, c'est bien le corps d'un homme mort. Alors qu'est-ce qui t'est arrivé, vieille branche? C'est peut-être une avalanche. Il est sur le point de repartir, lorsque, tout à coup, ses yeux tombent sur une belle hache de cuivre, là, qui dépasse de la glace. Elle semble extrêmement ancienne. C'est celle de notre bonhomme congelé, c'est sûr! Le Mr. Freeze ne serait donc pas mort l'hiver dernier, mais il y a bien plus longtemps. À vue de nez, je dirais... il y a bien 100 ou 150 ans, au moins. C'est sûrement un soldat de la Première Guerre mondiale qui s'est perdu dans la montagne. Tout de suite, il prévient les gendarmes qui arrivent le lendemain en hélicoptère. 3 jours durant, il tente d'extirper l'homme de sa prison de glace. À coup de pioche et de marteau-piqueur, les gars, vous êtes sûrs? Vous voulez pas aussi une tronçonneuse? Enfin, on arrive à le dégager. Il est nu comme un ver. Éparpillé autour de lui, on trouve de nombreux objets. Un bonnet en peau d'ours, un manteau en peau de chèvre, un poignard à lame de silex, un carquois contenant 14 flèches et des chaussures en peau rembourrées d'herbe. Un joli petit équipement, mais quelque peu étrange, non, pour un soldat de la guerre de 14-18? Le corps est transporté à l'Institut de médecine légale d'Innsbruck, une ville située en Autriche. Sous les néons jaune fluo, le professeur Rainer N. et son assistant examinent le corps. La vache! Ce qu'il est bien conservé pour un homme mort il y a 100 ans! Eh oui, c'est la glace. Mais professeur, c'est étonnant! Sa peau et ses os, on dirait de la cire! Eh oui, c'est la transformation chimique de la peau lors de la momification. La momification? Mais il n'est pas embaumé et il n'y a aucune bandelette! Eh oui, c'est une momification naturelle. Le froid a protégé le corps aussi bien que des bandelettes. Mais... bon allez, ça suffit, envoyez-moi ça au scanner. Quelques jours plus tard, lorsque Rainer N. découvre les résultats des premières analyses, il tombe de sa chaise. Oh! Oh non, ce n'est pas parce qu'elle était mal vissée, hein! Rien à voir! C'est ce qu'il vient de lire sur l'écran de son ordinateur. Cet homme de glace n'a pas 100, ni même 150 ans. Il est âgé de plus de 5000 ans. Ah, Incroyable! Oh, le monde entier est sur les fesses! Immédiatement, tous les projecteurs de la science se braquent sur lui. Qui était-il? Comment vivait-il? Et surtout, que lui est-il arrivé? D'ailleurs, il serait peut-être temps de lui donner un nom, non? Non. Non. Non. Non. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Oh, pardon, je me suis oubliée. Parce qu'il a été retrouvé tout près du massif de l'Utsal, on l'appelle Ötzi. Notre homme des glaces offre une incroyable chance aux scientifiques. Il leur donne accès à un monde infiniment lointain et les ramène aux origines de l'humanité. Ötzi était un homme de la préhistoire. Il vivait entre les années 3350 et 3100 avant notre ère, une période qu'on appelle le néolithique et pour laquelle on a rarement de telles découvertes. Une fabuleuse enquête commence, elle va durer plus de 20 ans. Les recherches sont confiées à des scientifiques de plusieurs disciplines. Archéologie, paléontologie, médecine. Dans leur domaine, waouh, ce sont tous des as. Grâce à une technologie de pointe, ils vont tenter de faire parler le corps d'un homme mort il y a plus de 5000 ans. Bon courage. On commence par étudier le corps d'Ötzi. L'analyse de son ADN permet d'établir sa carte d'identité. Nom, Ötzi. Yeux, brun, cheveux, noir. Âge, 47 ans. Taille, 1m57. Poids, 50 kilos. 50 kilos? Ouh, la chance! Les recherches révèlent que le bonhomme souffrait d'une tonne de petits et gros bobos. Artères abîmées, parasites intestinaux, poumons encrassés, gencives irritées et caries à gogo. Le pauvre devait sacrément souffrir. Des jambes et du dos surtout, où les muscles et les articulations sont particulièrement usés. Ötzi était donc un grand marcheur. Et puis, il avait un bon coup de fourchette. Enfin, si tant est que les fourchettes existaient déjà il y a 5000 ans. Enfin, bref. En farfouillant dans son estomac, les scientifiques arrivent à reconstituer son dernier repas. Environ 10 heures avant sa mort, Ötzi s'est fait un bon gueuleton. De la viande de bouquetin séché, de l'orge et du pain. Bon appétit, Ötzi! Poursuivons. On examine ensuite les objets retrouvés tout près de lui. Ce sont des indices extrêmement précieux. Les chaussures et les vêtements d'Ötzi, en fourrure et en peau, témoignent d'une fabrication à la fois solide et délicate. Autre élément, le couteau retrouvé parmi ses affaires. La lame de silex est si affûtée qu'elle coupe encore 5000 ans plus tard. Et ce n'est pas tout. Ötzi savait aussi se soigner. Des champignons, utilisés alors comme médicaments, ont été retrouvés dans la doublure de son manteau. Son corps est par ailleurs recouvert de mystérieux tatouages, plus de 61 dessins constitués de croix et de barres parallèles. L'étude d'Ötzi révèle que les hommes du néolithique avaient des savoirs et des techniques très élaborés. Nos ancêtres étaient bien plus rusés qu'on ne le pensait. Poursuivons notre enquête. L'équipement d'Ötzi est fourni, ce qui suggère qu'il n'est pas sorti faire une petite promenade pour se détendre. Pour quelle raison a-t-il pris la route? Et allez, allez, osons aller un peu plus loin. Posons-nous la question. Pourquoi est-il mort? Plusieurs hypothèses s'offrent à nous. Première possibilité. Ötzi était berger et il emmenait ses bêtes paître dans le nord des Alpes. La haute montagne, c'est très dangereux. Ötzi est peut-être tombé dans une crevasse avant de mourir de froid. Oui, mais s'il était vraiment berger, pourquoi n'y a-t-il aucun reste de crotte de chèvre ou de brebis sous ses chaussures? Et puis, comment expliquer cette superbe hache de cuivre qu'on a retrouvée avec lui? C'est un objet extrêmement rare que peu de personnes possédaient à son époque. Le bonhomme travaillait-il le métal? Était-il une sorte de forgeron? Oui, peut-être. Mais il pourrait aussi être commerçant, ou bien sorcier, ou bien guérisseur. Ce qui est sûr, c'est qu'il est parti de façon précipitée. Dans son carquois, seules 2 flèches sur 14 sont prêtes à l'emploi. Il n'a visiblement pas eu le temps de finir de les aiguiser. l'homme des glaces, a peut-être fui un grand danger. Pendant des années, les scientifiques étudient tous ces scénarios lorsque... coup de théâtre ! En 2001, en repassant la momie au scanner, on découvre, cachée dans son omoplate gauche, la pointe d'une flèche. Une flèche ? Mamma mia ! Comment est-elle arrivée là ? Oh là, mais réfléchis un peu. Ok, ok. Si quelqu'un a attaqué Ozzy... Oh, je sais ! C'est sans doute dans le cadre d'un conflit entre deux villages voisins. Notre homme était peut-être chef de tribu, ou même guerrier. C'est en effet une autre possibilité. Imaginons la scène. Dans les montagnes recouvertes de neige, Ötzi court, poursuivi par son assaillant. Ce dernier envoie une première flèche. Notre homme se cache derrière un gros rocher. Oula, c'est pas passé loin. Vite, il repart. Il court à toute vitesse, le plus loin possible. Hélas, il n'échappe pas à son assassin qui le blesse une flèche en plein dans son épaule gauche. Ötzi vacille. Il tombe. Puis il meurt. Oui, là encore, c'est un scénario possible, mais comment être sûr? Qui nous dit que cette flèche ne date pas d'une blessure plus ancienne? Et puis, si Ötzi a été tué lors d'une attaque, pourquoi sa précieuse hache n'a-t-elle pas été volée? À vrai dire, aujourd'hui encore, le mystère de la mort d'Ötzi reste entier. Comment notre bonhomme de glace a-t-il fini ses jours? Nul ne le sait. Une chose est sûre, cependant. Disparu il y a plus de 5000 ans, l'incroyable découverte de son corps, momifié et intact, a bousculé nos certitudes. Grâce à lui, les scientifiques ont compris un peu mieux les humains qui vivaient à l'époque du néolithique. Si d'aventure tu te promènes dans les montagnes, ouvre l'œil et le bon. Qui sait ce qu'elles cachent dans leur grand manteau glacé? Mais surtout, si tu trouves quelque chose, ne touche à rien. Ces vieux vestiges du temps sont fragiles. Il faut savoir les dorloter et c'est la spécialité des archéologues. En revanche, si tu rêves de plonger tes mains dans la préhistoire, alors fonce, étudie l'archéologie. Et dans quelques années, lorsque tu feras une grande découverte, je la raconterai, sois-en certain, dans une prochaine Odyssée. À la fabrication des Odyssées, il y a Fanny Leroy, Taïsia Froidure, Basile Bocquer et moi, Laure Grand-Besançon. Les Odyssées est un podcast original de France Inter. Au fait, mais comment les scientifiques ont-ils réussi à établir l'âge d'Ötzi? Eh bien, en utilisant une technique infaillible, la datation au carbone 14. Tiens, tiens, mais qu'est-ce à quoi ? Toutes les matières contiennent un élément invisible à l'œil nu qui s'appelle le carbone 14. Le carbone 14 se modifie avec le temps. Ainsi, en étudiant son état, les scientifiques arrivent à dater l'âge de l'objet ou de l'être vivant dont leur échantillon de carbone 14 est issu. Le carbone 14 est une incroyable machine à remonter le temps.